Les caractères de Jean de la Bruyère, enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Chapitre 11. Des jugements. Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais entêtement. De là les partis, les cabales, les hérésies. L'on ne pense pas toujours constamment d'un même sujet. L'entêtement et le dégoût se suivent de près. Les grandes choses étonnent et les petites rebutent. Nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l'habitude. Deux choses toutes contraires nous préviennent également, l'habitude et la nouveauté. Il n'y a rien de plus bas et qui convienne mieux au peuple que de parler en des termes magnifiques de ceux même dont l'on pensait très modestement avant leur élévation. La faveur des princes n'exclut pas le mérite et ne le suppose pas aussi. Il est étonnant qu'avec tout l'orgueil dont nous sommes gonflés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire, celle du prince, nous entraîne comme un torrent. Nous louons ce qui est loué bien plus que ce qui est louable. Je ne sais s'il n'y a rien au monde qui coûte davantage à approuver et à louer que ce qui est plus digne d'approbation et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr que l'envie, la jalousie et l'antipathie. Ce n'est pas d'un saint dont un dévot sait dire du bien, mais d'un autre dévot. Si un poète loue les vers d'un autre poète, il y a à parier qu'ils sont mauvais et sans conséquence. Les hommes ne se goûtent qu'à peine les uns les autres, n'ont qu'une faible pente à s'approuver réciproquement. Action, conduite, pensée, expression, rien ne plaît, rien ne contente. Ils substituent à la place de ce qu'on leur récite, de ce qu'on leur dit ou de ce qu'on leur lit, ce qu'ils auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture, ce qu'ils penseraient ou ce qu'ils écriraient sur un tel sujet, et ils sont si pleins de leurs idées qu'il n'y a plus de place pour celles d'autrui. Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la bagatelle, et le monde est si plein d'exemples, ou pernicieux, ou ridicule, que je croirais assez que l'esprit de singularité, s'il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcherait fort de la droite raison et d'une conduite régulière. Il faut faire comme les autres, maxime suspecte, qui signifie presque toujours « il faut mal faire », dès que l'on étend au-delà de ces choses purement extérieures qui n'ont point de suite, qui dépendent de l'usage, de la mode et des bienséances. Si les hommes sont hommes, ou plutôt courses et panthères, s'ils sont équitables, s'ils se font justice à eux-mêmes et qu'ils la rendent aux autres, que deviennent les lois, leurs textes et le prodigieux accablement de leurs commentaires? Que devient le pétitoire? Note, pétitoire est une action en revendication de propriété. Le possessoire, celle par laquelle on tend à être maintenu ou réintégré dans la possession. Fin de note. Que devient le pétitoire et le possessoire et tout ce qu'on appelle jurisprudence? Où se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute leur enflure à l'autorité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité, s'ils sont guéris de la prévention, où sont évanouies les disputes de l'école, la scolastique et les controverses? S'ils sont tempérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jargon de la médecine, qui est une mine d'or pour ceux qui s'avisent de le parler? Légiste, docteur, médecin, quelle chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages! De combien de grands hommes dans les différents exercices de la paix et de la guerre aurait-on dû se passer? À quel point de perfection et de raffinement n'a-t-on pas porté de certains arts et de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires, et qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux dont notre malice est l'unique source? Que de choses depuis Varron, que Varron a ignoré! Que nous suffirait-il pas même de n'être savants que comme Platon ou comme Socrate? Tel à un sermon, à une musique ou dans une galerie de peinture, entendu à sa droite et à sa gauche sur une chose précisément la même, des sentiments précisément opposés. Cela me ferait dire volontiers que l'on peut hasarder, dans tout genre d'ouvrage, d'y mettre le bon et le mauvais. Le bon plaît aux uns, le mauvais aux autres. l'on ne risque guère davantage d'y mettre le pire. Il a ses partisans. Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres. Il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public, a varié sur son sujet. Ou il se trompe ou il s'est trompé. Celui qui prononcerait aujourd'hui que Q, en un certain genre, est mauvais poète, parlerait presque aussi mal que s'il eût dit qu'il y a quelque temps, il est bon poète. C.P. était fort riche, et C.N. ne l'était pas. La Pucelle et Rodogune méritaient chacune une autre aventure. Ainsi l'on a toujours demandé pourquoi, dans une telle ou telle profession, celui-ci avait fait sa fortune et cet autre l'avait manqué. Et en cela, les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices, qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser les meilleurs et prendre les pires. La condition des comédiens était infâme chez les Romains et honorable chez les Grecs. Qu'est-elle chez nous ? On pense d'eux comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs. Il suffisait à Bathilde d'être pantomime pour être couru des dames romaines, à Rhoé de danser au théâtre, à Rossi et à Nérine de représenter dans les chœurs pour s'attirer une foule d'amants. La vanité et l'audace, suite d'une trop grande puissance, avaient ôté aux Romains le goût du secret et du mystère. Ils se plaisaient à faire du théâtre public celui de leurs amours. Ils n'étaient point jaloux de l'amphithéâtre et partageaient avec la multitude les charmes de leur maîtresse. Leur goût n'allait qu'à laisser voir qu'ils aimaient non pas une belle personne ou une excellente comédienne, mais une comédienne. Rien ne découvre mieux dans quelles dispositions sont les hommes à l'égard des sciences et des belles lettres et de quelle utilité ils les croient dans la République que le prix qu'ils y ont mis et l'idée qu'ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les cultiver. Il n'y a point d'art si mécanique et de si vile condition où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage de Corneille qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes. Souvent où le riche parle et parle doctrine, c'est au docte à se taire, à écouter, à applaudir, s'ils veulent du moins ne passer que pour docte. Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits la honte de l'érudition. L'on trouve chez eux une prévention tout établie contre les savants à qui ils ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l'esprit de société, et qu'ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme l'ignorance est un état paisible et qui ne coûte aucune peine, l'on s'y range en foule et elle forme à la cour et à la ville un nombreux parti qui l'emporte sur celui des savants. S'ils allèguent en leur faveur les noms d'Estrée, de Harlay, Bossuet, Séguier, Montausier, Varde, Chevreuse, Novion, Lamoignon, Scudéry, Pélisson et de tant d'autres personnages également doctes et polis, s'ils osent même citer les grands noms de Chartres, de Condé, de Conti, de Bourbon, d'Humaine, de Vendôme, comme de princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus hautes connaissances, et l'atticisme des Grecs et l'urbanité des Romains, l'on ne feint point de leur dire que ce sont des exemples singuliers, et s'ils ont recours à de solides raisons, elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il semble néanmoins que l'on devrait décider sur cela avec plus de précaution, et se donner seulement la peine de douter si ce même esprit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien juger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore servir à être poli. Il faut très peu de fond pour la politesse dans les manières. Il en faut beaucoup pour celle de l'esprit. Il est savant, dit un politique. Il est donc incapable d'affaires. Je ne lui en confierai pas l'état de ma garde-robe. Et il a raison. Ossa, Ximénès, Richelieu, étaient savants. Étaient-ils habiles? Ont-ils passé pour de bons ministres? Il sait le grec, continue l'homme d'État. C'est un Grimaud, c'est un philosophe. Et en effet, une fruitière à Athènes, selon les apparences, parlait grec, et par cette raison était philosophe. Les Bignons, les Lamoignons, étaient de purs Grimauds, qui en peut douter? Ils savaient le grec. Quelle vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Antonin de dire qu'alors les peuples seraient heureux si l'empereur philosophait, ou si le philosophe ou le grimaud venait à l'empire. Les langues sont la clé ou l'entrée des sciences, et rien davantage. Le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s'agit point si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes, mais si elles sont grossières ou polies, si les livres qu'elles ont formés sont d'un bon ou d'un mauvais goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir le sort de la grecque et de la latine. Serait-on pédant, quelques siècles après qu'on ne la parlerait plus, pour lire Molière ou La Fontaine ? Je nomme Euripyle, et vous dites, c'est un bel esprit. Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre, il est charpentier, et de celui qui refait un mur, il est maçon. Je vous demande quel est l'atelier où travaille cet homme de métier, ce bel esprit. Quelle est son enseigne ? À quel habit le reconnaît-on ? Quels sont ses outils ? Est-ce le coin ? Sont-ce le marteau ou l'enclume ? Où font-ils ? Où comme-t-il son ouvrage ? Où l'expose-t-il en vente ? Un ouvrier se pique d'être ouvrier. Euripyle se pique-t-il d'être bel esprit ? S'il est tel, vous me peignez un fat qui met l'esprit en roture, une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est esprit ne saurait s'appliquer sérieusement. Et s'il est vrai qu'il ne se pique de rien, je vous entends, c'est un homme sage et qui a de l'esprit. Ne dites-vous pas encore du savantas, il est bel esprit, et ainsi du mauvais poète. Mais vous-même, vous croyez-vous sans aucun esprit ? Et si vous en avez, c'est sans doute de celui qui est beau et convenable. Vous voilà donc un bel esprit. Ou, s'il s'en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure, continuez, j'y consens, de le donner à Euripyle et d'employer cette ironie comme les sots sans le moindre discernement, ou comme les ignorants qu'elle console d'une certaine culture qui leur manque et qui ne voit que dans les autres. Qu'on ne parle jamais d'encre, de papier, de plume, de style, d'imprimeur, d'imprimerie. Qu'on ne se hasarde plus de me dire « Vous écrivez si bien, Antisthène, continuez d'écrire. Ne verrons-nous point de vous un in-folio ? Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n'est point de fin. Il devrait ajouter « Et nul cours ». Je renonce à tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Béryl tombe en syncope à la vue d'un chat, et moi à la vue d'un livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu ? Suis-je dans ma chambre à l'abri du nord ? Ai-je un lit de plumes après 20 ans entiers qu'on me débite dans la place ? J'ai un grand nom, dites-vous, et beaucoup de gloire. Dites que j'ai beaucoup de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal qui procure toute chose ? Le vil praticien grossit son mémoire, se fait rembourser des frais qu'il n'avance pas, et il a pour gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille morte, note, un homme de livrée, un laquais, fin de note, devient commis et bientôt plus riche que son maître. Il le laisse dans la roture et avec de l'argent il devient noble. B s'enrichit à montrer dans un cercle des marionnettes. Bébé à vendre en bouteille l'eau de la rivière. Un autre charlatan arrive ici, au-delà les monts, avec une malle. Il n'est pas déchargé que les pensions courent et il est prêt à retourner d'où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure est mercure et rien davantage. Et l'or ne peut payer ses médiations et ses intrigues. On y ajoute la faveur et les distinctions, et sans parler que des gains licites, on paie au tuilier sa tuile et à l'ouvrier son temps et son ouvrage. Paie-t-on à un auteur ce qu'il pense et ce qu'il écrit ? Et s'il pense très bien, le paie-t-on très largement ? Se meuble-t-il ? S'annoblit-il ? À force de penser et d'écrire juste ? Il faut que les hommes soient habillés, qu'ils soient rasés. Il faut que, retirés dans leur maison, ils aient une porte qui ferme bien. Est-il nécessaire qu'ils soient instruits ? Folie, simplicité, imbécilité, continue Antisthène, de mettre l'enseigne d'auteur ou de philosophe. À voir s'il se peut un office lucratif qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre. Écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme titire, siffle ou joue de la flûte. Cela ou rien. J'écris à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me prennent à la gorge et me disent vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre « Du beau, du bon, du vrai, des idées, du premier principe » par Antisthène, vendeur de marais. Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière et à se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus grand étonnement que celui que nous donne la justesse de leurs réponses et le bon sens qui paraît quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à l'orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est de tous les climats et que l'on pense juste partout où il y a des hommes. Nous n'aimerions pas à être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares. Et s'il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir d'autres peuples raisonner comme nous. Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ne sont pas civilisés. De même, toute campagne n'est pas agreste, et toute ville n'est pas polie. Il y a dans l'Europe un endroit d'une province maritime d'un grand royaume où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire est le magistrat grossier et dont la rusticité est héréditaire. Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples. Si nous entendions dire des orientaux qu'ils boivent ordinairement d'une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions « Cela est bien barbare ». Ce prélat se montre peu à la cour. Il n'est de nul commerce. On ne le voit point avec des femmes. Il ne joue ni à la grande ni à la petite prime. Il n'assiste ni aux fêtes ni aux spectacles. Il n'est point homme de cabale. Il n'a point l'esprit d'intrigue. Toujours dans son évêché où il fait une résidence continuelle, il ne songe qu'à instruire son peuple par la parole et à l'édifier par son exemple. Il consomme son bien en des aumônes et son corps par la pénitence. Il n'a que l'esprit de régularité et il est imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Les temps sont changés et il est menacé sous ce règne d'un titre plus éminent. Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d'un certain caractère et d'une profession sérieuse, pour ne rien dire de plus, qu'ils ne sont point obligés à faire dire d'eux qu'ils jouent, qu'ils chantent et qu'ils badinent comme les autres hommes, et qu'à les voir si plaisants et si agréables, on ne croirait point qu'ils fussent d'ailleurs si réguliers et si sévères. Oserait-on même leur insinuer qu'ils s'éloignent par de telles manières de la politesse dont ils se piquent, qu'elle assortit au contraire et conforme les dehors aux conditions, qu'elle évite le contraste, et de montrer le même homme sous des figures différentes, et qui font de lui un composé bizarre ou un grotesque. Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure sur une seule et première vue. Il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre le mérite et le masque de l'hypocrisie cache la malignité. Il n'y a qu'un très petit nombre de connaisseurs qui discernent et qui soient en droit de prononcer. Ce n'est que peu à peu, et forcé même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer. Un homme de bien est respectable par lui-même, et indépendamment de tous les dehors dont il voudrait céder pour rendre sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air réformé, une modestie entrée, la singularité de l'habit, une ample calotte, n'ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas le mérite. Ils le fardent et font peut-être qu'il est moins pur et moins ingénu. Une gravité trop étudiée devient comique. Ce sont comme des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité. Cela ne s'appelle pas être grave, mais en jouer le personnage. Celui qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité n'est point ou elle est naturelle, et il est moins difficile d'en descendre que d'y monter. Un homme de talent et de réputation, s'il est chagrin et austère, il effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la vertu, et la leur rend suspecte d'une trop grande réforme et d'une pratique trop ennuyeuse. S'il est au contraire d'un bon commerce, il leur est une leçon utile, il leur apprend qu'on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes, il leur devient un exemple qu'on peut suivre. La physionomie n'est pas une règle qui nous soit donnée pour juger des hommes. Elle nous peut servir de conjecture. L'air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des traits est dans les femmes. C'est le genre de beauté où les plus vains puissent aspirer. Un homme qui a beaucoup de mérite et d'esprit, et qui est connu pour tel, n'est pas laid, même avec des traits qui sont difformes, ou s'il a de la laideur, elle ne fait pas son impression. Combien d'art pour entrer dans la nature ? Combien de temps, de règles, d'attention et de travail pour danser avec la même liberté et la même grâce que l'on sait marcher, pour chanter comme on parle, parler et s'exprimer comme l'on pense, jeter autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans un discours étudié et que l'on prononce dans le public, qu'on en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens les plus familiers. Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous, ne nous font point. Ce n'est pas nous qu'ils attaquent, c'est le fantôme de leur imagination. Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances, attachées aux lieux, au temps, aux personnes, qui ne se devinent point à force d'esprit, et que l'usage apprend sans nulle peine. Juger des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre, avant qu'ils soient assez instruits, c'est en juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs cheveux. C'est vouloir un jour être détrompé. Je ne sais s'il est permis de juger des hommes par une faute qui est unique, ou si un besoin extrême, ou une violente passion, ou un premier mouvement tire ta conséquence. Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des personnes est souvent la vérité. Sans une grande raideur et une continuelle attention à toutes ces paroles, on est exposé à dire en moins d'une heure le oui et le non sur une même chose ou sur une même personne, déterminé seulement par un esprit de société et de commerce qui entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là qui en parle différemment. Un homme partial est exposé à de petites mortifications, car comme il est impossible que ceux qu'il favorise soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre qui il se déclare soient toujours en faute ou malheureux, il naît de là qu'il lui arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu'acquièrent ceux qu'il n'aime point. Un homme sujet à se laisser prévenir, s'il ose remplir une dignité, ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut peindre, un muet qui s'est chargé d'une harangue, un sourd qui juge d'une symphonie. Faibles images et qui n'expriment qu'imparfaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter qu'elle est un mal désespéré, incurable, qui infecte tous ceux qui s'approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jusqu'aux médecins. Ils sont bien éloignés de le guérir s'ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des remèdes qui seraient d'écouter, de douter, de s'informer et de s'éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, tous ceux qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l'intérêt, sont les charlatans en qui ils se confient, et qui lui font avaler tout ce qui leur plaît. Ce sont eux aussi qui l'empoisonnent et qui le tuent. La règle de Descartes, qui ne veut pas qu'on décide sur les moindres vérités avant qu'elles soient connues clairement et distinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s'étendre au jugement que l'on fait des personnes. Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières que l'indignité et le mauvais caractère de ceux qu'ils approuvent. Du même fond dont on néglige un homme de mérite, l'on sait encore admirer un sot. Un sot est celui qui n'a pas même ce qu'il faut d'esprit pour être fat. Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite. L'impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte, rebute. L'impertinent rebute, aigrit, irrite, offense. Il commence où l'autre finit. Le fat est entre l'impertinent et le sot. Il est composé de l'un et de l'autre. Les vices partent d'une dépravation du cœur, les défauts d'un vice de tempérament, le ridicule d'un défaut d'esprit. L'homme ridicule est celui qui, tant qu'il demeure tel, a les apparences d'un sot. Le sot ne se tire jamais du ridicule. C'est son caractère. L'on y entre quelquefois avec de l'esprit, mais l'on en sort. Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule. La sottise est dans le sot la fatuité dans le fat et l'impertinence dans l'impertinent. Il semble que le ridicule réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule et tantôt dans l'imagination de ceux qui croient voir le ridicule où il n'est point et ne peut être. La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les vices d'un homme d'esprit. Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus supportable que le sot qui parle. La même chose souvent est dans la bouche d'un homme d'esprit une naïveté ou un bon mot, et dans celle d'un sot, une sottise. Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son caractère. L'une des marques de la médiocrité de l'esprit est de toujours compter. Le sot est embarrassé de sa personne, le fat a l'air libre et assuré. L'impertinent passe à l'effronterie, le mérite a de la pudeur. Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails que l'on honore du nom d'affaires se trouve jointe à une très grande médiocrité d'esprit. Un grain d'esprit et une once d'affaires, plus qu'il n'en entre dans la composition du suffisant, font l'important. Pendant qu'on ne fait que rire de l'important, il n'a pas un autre nom. Dès qu'on s'en plaint, c'est l'arrogant. L'honnête homme tient le milieu entre l'habile homme et l'homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux extrêmes. La distance qu'il y a de l'honnête homme à l'habile homme s'affaiblit de jour à autre et est sur le point de disparaître. L'habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend ses intérêts, qui sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir du bien ou en conserver. L'honnête homme est celui qui ne vole pas sur les grands chemins et qui ne tue personne, dont les vices, enfin, ne sont pas scandaleux. On connaît assez qu'un homme de bien est honnête homme, mais il est plaisant d'imaginer que tout honnête homme n'est pas homme de bien. L'homme de bien est celui qui n'est ni un saint ni un dévot et qui s'est borné à n'avoir que de la vertu. Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incompatibles. Entre le bon sens et le bon goût, il y a la différence de la cause à son effet. Entre esprit et talent, il y a proportion du tout à sa partie. Appellerais-je homme d'esprit celui qui, borné ou renfermé dans quelque art, ou même dans une certaine science qu'il exerce dans une grande perfection, ne montre hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite, qui ne m'entend pas, qui ne pense point, qui s'énonce mal. Un musicien, par exemple, qui, après m'avoir comme enchanté par ses accords, semble s'être remis avec son luth dans un même étui, ou n'être plus sans cet instrument qu'une machine démontée, à qui il manque quelque chose et dont il n'est plus permis de rien attendre. Que ne dirais-je encore de l'esprit du jeu? Pourrait-on me le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté pour jouer l'ombre et les échecs? Et s'il en faut, pourquoi voit-on des imbéciles qui excellent et de très beaux génies qui n'ont pu même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans les mains trouble la vue et fait perdre contenance? Il y a dans le monde quelque chose, s'il se peut, de plus incompréhensible. Un homme paraît grossier, lourd, stupide, il ne sait pas parler ni raconter ce qu'il vient de voir. S'il se met à écrire, c'est le modèle des bons contes. Il fait parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point. Ce n'est que légèreté, qu'élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. Un autre est simple, timide, d'une ennuyeuse conversation. Il prend un mot pour un autre et il ne juge de la bonté de sa pièce que par l'argent qui lui en revient. Il ne sait pas la réciter ni lire son écriture. Laissez-le s'élever par la composition. Il n'est pas au-dessous d'Auguste, de Pompée, de Nicomède, d'Héraclius. Il est roi, et un grand roi. Il est politique, il est philosophe. Il entreprend de faire parler des héros, de les faire agir. Il peint les Romains. Ils sont plus grands et plus romains dans ses vers que dans leur histoire. Voulez-vous quelque autre prodige? Concevez un homme facile, doux, complaisant, traitable, et tout d'un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris. mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agite en lui, j'ose dire, sans qu'il y prenne part, et comme à son insu. Quelle verve ! Quelle élévation ! Quelles images ! Quelle latinité ! Parlez-vous d'une même personne, me direz-vous ? Oui, du même, de Théodace, et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate, et du milieu de cette tempête, il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou et pense comme un homme sage. Il dit ridiculement des choses vraies et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les contorsions. Qu'ajouterais-je davantage ? Il dit, il fait mieux qu'il ne sait. Ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point l'une de l'autre, qui ont chacune leur tour ou leur fonction toutes séparées. Il manquerait un trait à cette peinture si surprenante si j'oubliais de dire qu'il est tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques et dans le fond assez docile pour profiter de leur censure. Je commence à me persuader moi-même que j'ai fait le portrait de deux personnages tout différents. Il ne serait pas même impossible d'en trouver un troisième dans Théodace, car il est bonhomme, il est plaisant homme, il est excellent homme. Après l'esprit de discernement, ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont les diamants et les perles. Tels, connus dans le monde par de grands talents, honorés et chéris, partout où il se trouve, et petit dans son domestique et aux yeux de ses proches, qu'il n'a pu réduire à l'estimer. Tel autre, au contraire, prophète dans son pays, jouit d'une vogue qu'il a parmi les siens et qui est resserrée dans l'enceinte de sa maison, s'applaudit d'un mérite rare et singulier qui lui est accordé par sa famille, dont il est l'idole, mais qu'il laisse chez soi toutes les fois qu'il sort et qu'il ne porte nulle part. Tout le monde s'élève contre un homme qui entre en réputation. À peine ce qu'il croit ses amis lui pardonne-t-il un mérite naissant et une première vogue qui semble l'associer à la gloire dont ils sont déjà en possession. L'on ne se rend qu'à l'extrémité, et après que le prince est déclaré par les récompenses. Tous, alors, se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement, il prend son rang d'homme de mérite. Nous affectons souvent de louer, avec exagération, des hommes assez médiocres, et de les élever, s'il se pouvait, jusqu'à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes là d'admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire, ainsi partagée, offense moins notre vue et nous devient plus douce et plus supportable. L'on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d'abord à pleine voile. Ils perdent en un moment la terre de vue et font leur route. Tout leur rit, tout leur succède, action, ouvrage, tout est comblé d'éloges et de récompenses. Ils ne se montrent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immobile qui s'élève sur une côte. Les flots se brisent aux pieds, la puissance, les richesses, la violence, la flatterie, l'autorité, la faveur, tous les vents ne l'ébranlent pas. C'est le public où ces gens échouent. Il est d'ordinaire et comme naturel de juger du travail d'autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le discours de l'orateur qui ne s'exerce souvent que sur de simples faits. Et celui qui écrit l'histoire de son pays ne peut comprendre qu'un esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trouver une rime. De même, le bachelier, plongé dans les quatre premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu'il est peut-être méprisé du géomètre. Tel a assez d'esprit pour exceller dans une certaine matière et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu'il doit se taire sur quelque autre, dont il n'a qu'une faible connaissance. Il sort hardiment des limites de son génie, mais il s'égare et fait que l'homme illustre parle comme un sot. Et rit, soit qu'il parle, qu'il harangue ou qu'il écrive, veut citer. Il fait dire au prince des philosophes que le vin enivre, à l'orateur romain que l'eau tempère. S'il se jette dans la morale, ce n'est pas lui, c'est le divin Platon qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, et que l'un et l'autre se tournent en habitude. Les choses les plus communes, les plus triviales, et qu'il est même capable de penser, il veut les devoir aux anciens, aux latins, aux grecs. Ce n'est ni pour donner plus d'autorité à ce qu'il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu'il sait. Il veut citer. C'est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de le donner pour sien. Il n'est pas relevé, il tombe avec des gens d'esprit ou qui se croient tels, qui ne l'ont pas dit et qui devaient le dire. C'est au contraire le faire valoir que de le rapporter comme d'un autre. Ce n'est qu'un fait et qu'on ne se croit pas obligé de savoir. Il dit avec plus d'insinuation et reçu avec moins de jalousie. Personne n'en souffre, on rit s'il faut rire, et s'il faut admirer, on admire. On a dit de Socrate qu'il était en délire, et que c'était un fou tout plein d'esprit. Mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi d'un homme si sage passaient pour fous. Ils disaient « Quel bizarre portrait nous fait ce philosophe ! Quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point ? Où a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires ? Quelles couleurs ! Quels pinceaux ! Ce sont des chimères ! » Ils se trompaient. C'étaient des monstres. C'étaient des vices, mais peints au naturel. On croyait les voir, ils faisaient peur. Socrate s'éloignait du cynique, il épargnait les personnes et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises. Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un philosophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite, et n'imaginant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes leurs actions que celle qu'il s'est proposée lui-même toute sa vie, dit en son cœur « Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur, il s'égare, il est hors de route. Ce n'est pas ainsi que l'on prend le vent et que l'on arrive au délicieux port de la fortune. » Et selon ses principes, il raisonne juste. « Je pardonne, dit Antistius, à ceux que j'ai loués dans mon ouvrage s'ils m'oublient. Qu'ai-je fait pour eux ? Ils étaient louables. Je le pardonnerai moins à tous ceux dont j'ai attaqué les vices, sans toucher à leur personne, s'ils me devaient un aussi grand bien que celui d'être corrigé. Mais, comme c'est un événement qu'on ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire du bien. L'on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes écrits leur récompense. On ne saurait en diminuer la réputation, et si on le fait, qui m'empêchera de le mépriser ? Il est bon d'être philosophe, il n'est guère utile de passer pour tel. Il n'est pas permis de traiter quelqu'un de philosophe. Ce sera toujours lui dire une injure, jusqu'à ce qu'il ait plu aux hommes d'en ordonner autrement, et en restituant à un si beau nom son idée propre et convenable, de lui concilier toute l'estime qui lui est due. Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de l'ambition et de la fortune, qui nous égale, que dis-je, qui nous place plus haut que les riches, que les grands et que les puissants, qui nous fait négliger les postes et ceux qui les procurent, qui nous exempte de désirer, de demander, de prier, de solliciter, d'importuner, et qui nous sauve même l'émotion et l'excessive joie d'être exaucés. Il y a une autre philosophie qui nous soumet et nous assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis. C'est la meilleure. C'est abréger et s'épargner mille discussions que de penser de certaines gens qu'ils sont incapables de parler juste, et de condamner ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils diront. Nous n'approuvons les autres que par les rapports que nous sentons qu'ils ont avec nous-mêmes. Il semble qu'estimer quelqu'un, c'est l'égaler à soi. Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insupportables sont chez nous comme dans leur centre. Ils ne pèsent plus, on ne les sent pas, tel parle d'un autre et en fait un portrait affreux qu'il ne voit pas, qu'il se peint lui-même. Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts que si nous étions capables de les avouer et de les reconnaître dans les autres. C'est dans cette juste distance que nous paraissant tels qu'ils sont, ils se feraient haïr autant qu'ils le méritent. La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l'avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors du péril de censurer dans les autres ce qu'il a peut-être fait lui-même, ou de condamner une action dans un pareil cas et dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour inévitable. Le guerrier et le politique non plus que le joueur habile ne font pas le hasard.